les limaces, tandis qu'elle rampe sur la place, tandis qu'elle rampe sur la place. Moi je taille mes chansons. Qu'on me nargue, qu'on me plume, je me moque de toutes les brumes, je me moque de toutes les brumes. Je taille mes chansons. Certains me volent mes affaires, d'autres voudraient qu'on m'enterre, mais je taille mes chansons. Certes le pain est nécessaire, et l'eau moins bonne que la pierre, mais je taille mes chansons. Que les cognes me fassent la guerre, qu'ils me privent de lumière, qu'ils me privent de lumière. Moi je taille mes chansons. Car même le ventre en misère, et la bouche en muselière, et la bouche en muselière, moi je taille mes chansons. Car même le ventre en misère, et la bouche en muselière, moi je taille mes chansons. Je taille mes chansons. Je taille mes chansons. Je taille mes chansons. Yahoo!